La mygale pèse entre 60 et 90 grammes pour une longueur de 8 à 20 cm en comptant les pattes, avec une durée de vie qui tourne autour des 20 ans, un peu plus pour les femelles. Mais si ça se trouve, elles sont toutes minuscules et c'est juste celles d'aujourd'hui qui faussent la moyenne, nous allons parler de Tarantula de Jack Arnold. Bonjour et bienvenue dans 30 millions d'attaques, le troisième épisode. Je suis avec Chris, comme toujours, bonjour. Hello. Comment vas-tu? Bah ça va, et toi? Ça va. Quoi de neuf depuis le dernier enregistrement? Pas grand chose, toujours le chômage, toujours la glande, toujours le plaisir. Ah là là, ces gens qui profitent de l'argent public, là, on va les remettre au travail. C'est vrai. Rappelons tout de même que ce n'est pas de l'argent public, le chômage, hein. Ouais, on ne sait bon, jamais c'est si, des gens, si des gens qui nous écoutent ne sont pas au courant, vous cotisez pour avoir le chômage. Oui, c'est pas un cadeau offert par l'État, en fait. Voilà, c'est ce que nos hommes politiques essaient de nous faire croire, mais on va peut-être arrêter, quoi. Effectivement, autant en profiter jusqu'au bout, en vertu de ça. Bon, donc sur les films d'attaque animale, comme d'hab, on va pas faire des actus complètes parce qu'il y en aurait trop, il y en a probablement 15 qui sont sortis dans des DTV obscurs depuis la dernière fois qu'on a enregistré. Ouais, et puis de par le monde en plus. Ouais, c'est ça. On peut mentionner qu'on en a rajouté quelques-uns dans notre liste et qu'on continuera à en mettre régulièrement selon l'inspiration, mais bon, la liste est déjà longue hein, de toute façon, mais n'hésitez toujours pas à faire des suggestions. On n'avait pas trop les résultats, enfin les avis sur le Anaconda avec Jack Black la dernière fois. Bon, sans trop de surprises, les avis sont pas bons du tout, visiblement, ouais. C'est assez catastrophique. Sans trop de surprises, il semblerait que ça soit de la merde. Voilà, mais on s'attendait pas tellement à autre chose, on va pas se mentir. Il sombre, Jack Black, hein. J'avais de la sympathie pour lui il y a encore quelques années, mais là, il enchaîne les daubes quand même. Ouais, c'est vraiment dommage, j'ai l'impression qu'il s'enferme dans un personnage et dans un truc qui est pas top. C'est vrai qu'entre Minecraft, ça, bah moi j'y mets aussi le film Mario où il fait la voix de Bowser. Il a enchaîné des trucs que je trouve qui ont l'air très mauvais en tout cas. Ouais. Alors moi j'ai bien apprécié le Mario, mais effectivement, ça fait peur quoi. Ouais, il serait temps qu'il se rattrape, peut-être qu'il tourne à nouveau avec des réalisateurs un peu plus... avec un peu plus une personnalité qui peut-être ne laisse pas entièrement tout le film juste reposer sur son personnage, quoi. C'est peut-être ça qu'il lui faudrait. Bah ouais. Là, en fait, on a l'impression qu'il s'embourbe dans un personnage de film, entre guillemets, de geek. Oui, c'est ça. Minecraft, Mario, Anaconda dans une moindre mesure, parce que c'est quand même une grosse licence, voilà. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il joue pas mal sur un côté méta et tout aussi. Jumanji, pareil. Ça y rentre aussi. Ouais, effectivement, ouais. Donc oui, ce serait bien qu'il se rattrape. Voilà, c'était la parenthèse Jack Black. Mais donc nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de Tarantula, un film réalisé par Jack Arnold et sorti en 1955 avec donc une araignée géante cette fois-ci, donc prudence les arachnophobes, qui est sûrement un des plus vieux qu'on avait dans notre liste. Oui, bah, et puis même dans le vidéoclub, on n'a jamais fait plus vieux. Oui, en même temps, dans le vidéoclub, ça se tient, hein. King n'était pas encore actif en 55. Donc... Mais justement, c'est là qu'on va prendre plaisir avec ce podcast, c'est qu'on va explorer au-delà des années 80. Oui, ouais, c'est déjà, et puis on va aussi explorer d'autres pays quand on tombera dessus, tout de même, de temps en temps. Oui. Bah, je propose qu'on se lance. Bah, allons-y. But what if circumstances or to magnify one of them in size and strength, took it out of its primitive world and turned it loose in ours. Then expect something that's fiercer, more cruel and deadly than anything that ever walked the earth. Even science was stunned. The new atomic miracle should have been mankind's greatest boon. Instead, when such power to cause phenomenal growth proved dangerously unstable, man was confronted with his most shocking blunder. The isotope triggered our nutrient into a nightmare. A blunder that transformed a tiny insect into the 100-foot spider that was now ravaging the panic-stricken countryside. Donc déjà, pour parler un peu de l'animal, tarantula c'est un peu trompeur comme terme, parce qu'on ne peut pas traduire directement par tarantule, ce qui serait notre instinct. Parce que la tarantule, en français, ça désigne soit une araignée italienne mythique, qui n'existe pas, soit l'araignée loup, ou Lycosa tarantula, une araignée qui se retrouve surtout au sud de l'Europe. En anglais, tarantula, ça désigne la famille des Pteraphosidae, qui est un sous-ordre des mygales, qui fait partie du sous-ordre des mygales, pardon. Il y a différentes espèces, et ça se rencontre à peu près partout, à partir d'une ligne qu'on pourrait tracer au nord de la France et des États-Unis, donc vraiment au nord du monde, on ne la trouve pas, mais on la trouve dans tout le sud, par contre. Ce sont des araignées plutôt nocturnes, donc comme j'ai dit, le poids c'est entre 60 et 90 grammes pour une taille entre 8 et 20 cm en comptant les pattes, qui vivent assez longtemps, puisque c'est aux alentours de 20 ans. Et comme toutes les mygales, ce qui caractérise les mygales, c'est que leurs crochets au repos sont parallèles au corps, et elles ont un corps assez massif. A noter que c'est une araignée qui a à la mue une possibilité de régénération complète des membres et des crochets. Voilà. Tous les venins ne sont pas aussi puissants d'une espèce à l'autre. C'est plus ou moins grave, une morsure de ces araignées. Mais par contre, toutes ont du venin. C'est des araignées systématiquement vénineuses. D'accord. Voilà ce qu'on peut en dire pour la présentation rapide de la bestiole. Bon, là, je pense qu'on va pas plus. On va aller assez vite. Quel est notre rapport à l'araignée? Bon, sans être arachnophobe, on peut pas dire que j'aime beaucoup ça, quoi. Oui, voilà. Pareil, c'est quand même inquiétant. Alors après, j'en ai une dans la pièce, je vais pas me mettre à la chasser absolument. Voilà, tant qu'elle m'approche pas, je la laisse faire sa vie, quoi. Mais oui. Visuellement, oui, c'est quand même un animal qui est un peu effrayant quand même, faut le dire. Ouais, il y a un truc assez instinctif avec l'araignée, j'ai l'impression, en effet. Ce qui est marrant, parce que c'est pas un animal agressif pourtant, tu vois, c'est même plutôt peureux, tu t'en approches, ça fuit. C'est pas un animal qui va aller au contact avec toi, ni même avec des animaux plus petits, genre... Un chat s'en approche, l'araignée va plutôt se barrer, elle va pas chercher à l'attaquer, quoi. Ouais, effectivement, la plupart du temps, c'est assez discret, mais je sais pas, c'est peut-être le nombre de pattes, le côté brouillant, velu, l'étoile, enfin, je pense que c'est un mélange de tout ça, ouais. C'est ça. Et puis, peut-être l'imaginaire collectif qui fait qu'on a quand même énormément d'histoires à base d'araignées dangereuses, tueuses, etc. Hein, c'est quand même un truc très fréquent. C'est vrai, dans des films d'horreur où quand tu les vois en grand nombre et tout... Ça en rajoute. Alors que ça aussi, pour beaucoup d'espèces, c'est des animaux qui sont pas très sociables, en vrai. Oui, bah dont celle dont on va parler aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Qui ne fait pas de toile, hein, d'ailleurs. La mygale, c'est plutôt une araignée qui vit en terrier, je crois. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de toile. Ça creuse des trous. Ouais. Tarantula, ça raconte... ça commence dans le désert où un homme au visage très déformé meurt. Et un docteur va enquêter là-dessus, après que le shérif l'ait mis sur le coup, le docteur Matt Hastings. Et il va se rendre compte qu'il y a pas loin un laboratoire où des expériences un peu étranges sont menées afin de régler le problème de la faim dans le monde, mais des expériences qui font largement pousser les animaux. Et un jour, une araignée s'échappe du laboratoire après avoir été injecté avec les hormones de croissance, hein, on va appeler ça comme ça. Et sauf qu'elle, elle va commencer à grandir vraiment beaucoup. Oui, un petit peu beaucoup. Nous sommes en 1955, donc un an après le film Des monstres attaquent la ville, Zem, un plutôt joli succès de la Warner qui a certainement participé à créer des envies de films de créatures géantes, et on peut ajouter que en 54, de l'autre côté du Pacifique, il y avait Godzilla aussi qui sortait. Ouais. Tarantula, c'est produit par Universal Pictures, un studio connu entre autres pour ses films de monstres et films de science-fiction à l'époque, avec la série des Universal Monsters qui donnait naissance à beaucoup de films. Alors en 54-55, c'était un filon qui commençait un peu à se tarir, les Universal Monsters, mais ça avait été pas mal actif dans les 10 années précédentes, on va dire. Donc c'est les Frankenstein, les hommes invisibles, les Dracula. Dracula et tout, et tous les crossovers qui sont faits entre les différents monstres, donc Frankenstein rencontre Dracula, enfin je dis au pif parce que je suis même pas sûr qu'il existe, mais il y a eu plein de trucs, et même les Abbott et Costello rencontrent le monstre de Frankenstein, c'est inscrit dans les Universal Monsters. Ah oui. Voilà. Eh ben... Ouais, hein. D'autres films du studio relevaient de l'horreur et de la SF sans être connectés à cet univers, et c'est donc le cas de Tarantula. Le réalisateur Jack Arnold, au départ il voulait être acteur, et il joue un peu dans des pièces avant de s'enrôler dans l'armée suite à l'attaque de Pearl Harbor, et il est placé dans les Signal Corps, donc c'est l'unité de communication de l'armée américaine, et prend des cours de ciné là-bas, écoutez, autant en profiter, ce qui va décider du reste de sa carrière. Il tourne son premier long-métrage de fiction en 1953, il avait fait un peu de documentaire avant, mais le rythme de tournage des réalisateurs de films de genre de l'époque, surtout ceux de la Universal, à l'époque était tellement intense que, en fait, Tarantula, en 1955, c'est déjà son 8e long-métrage de fiction. Voilà. C'est fou, quoi. Donc il a déjà réalisé à l'époque L'étrange créature du lac noir et La revanche de la créature, qui font partie de ses films vraiment connus, et qui d'ailleurs font partie des Universal Monsters, oui, pour le coup. Tout à fait. Tandis que son autre plus gros succès actuel, le film dont on se souvient le plus, qui est L'homme qui rétrécit, lui, ne sortira que 2 ans plus tard, en 1957. Ouais. Il y aura aussi d'ailleurs un truc avec une araignée dans L'homme qui rétrécit, mais cette fois-ci l'araignée a techniquement une taille normale, c'est le personnage qui est devenu tout petit. Mm. On peut aussi évoquer dans un autre style La souris qui rugissait avec Peter Sellers, qui est donc une comédie où Peter Sellers interprète plusieurs rôles comme il le fait souvent. Que je n'ai pas vu, il est sur ma liste des films à voir. Ouais, moi aussi, ça a l'air vraiment sympa. À partir des années 60, il continue à tourner quelques films, mais c'est surtout à la télévision qu'il devient actif comme réalisateur sur des séries télé, et il meurt un bon moment après avoir arrêté de tourner, puisqu'il ne meurt qu'en 1992, Jack Arnold. Ouais. Le scénario est de Robert Fresco et Martin Berkeley, sur une idée de Jack Arnold et Robert Fresco. Fresco et Arnold avaient déjà travaillé ensemble sur un épisode de la série Science Fiction Theater, qui s'appelait No Food for Thoughts, qui avait aussi pour postulat de départ des scientifiques qui travaillaient sur les animaux et dont une expérience tournait mal. Fresco, pourtant, était en début de carrière à l'époque, il n'avait pas fait grand-chose d'autre. On peut mentionner qu'en 1970, il gagne, conjointement avec Denis Sanders, l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire pour Slekoslovakia, 1968, qui est un court-métrage documentaire sur le printemps de Prague. Et sa carrière pour le cinéma s'arrête en 1972, et j'ai pas trouvé de traces de lui, ni d'interview, etc. J'ai cherché un peu, pourtant, parce qu'il ne meurt qu'en 2014, donc j'imagine qu'il a quand même fait des trucs entre-temps. Il n'est pas resté à rien glander pendant 40 ans. Oui, dimanche, je pense. Martin Berkeley, l'autre scénariste, est membre du Parti communiste jusqu'en 1943, ce pourquoi il est la cible de la commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants en 1951, et a priori c'est lui qui détient le record du plus grand nombre de noms donnés pour sauver sa peau, puisqu'on estime qu'il a vendu entre 155 et 161 personnes. Même si visiblement la plupart étaient des faux noms, en fait il a donné tellement de noms que apparemment même les gens de la commission lui disaient « Mec, c'est trop, tu vas avoir des ennuis ». Donc visiblement bon move pour sa carrière, parce que même si on le retient surtout aujourd'hui pour être une énorme balance, il a beaucoup écrit dans la décennie qui suit, et il meurt en 1979 alors qu'il était pour le coup inactif depuis une quinzaine d'années. Le but de Jack Arnold et d'Universal en produisant ce film, c'était très nettement de faire du blé, et le film se fait donc à l'économie. Selon Robert Fresco, le budget est quelque part entre 200 et 300 000 dollars, ce qui explique le nombre de scènes dans le désert, parce que ça évite d'avoir à construire des modèles réduits pour faire les scènes avec les animaux, ainsi que le choix de régulièrement adopter le point de vue de l'araignée dans les attaques. Ça évite d'avoir à la filmer elle, en fait. Tu mets juste des faux tentacules de chaque côté de la caméra et hop, c'est parti. Mm. L'araignée, elle, est apparue comme un choix évident, bah justement en raison du fait que c'était une phobie répandue, donc c'est le monstre qui s'est imposé le plus simplement. Oui, c'est logique. Au casting, le docteur Matt Hastings est joué par John Agar, qui, après avoir été dans l'armée lui aussi, épouse Shirley Temple, l'actrice qu'il avait rencontrée en étant son garde du corps sur un truc. C'est via elle qu'il va entrer dans le cinéma, puisqu'il obtient un contrat d'acteur avec le son de jeu inclus dans le même studio que Shirley Temple, et son premier rôle à l'écran, c'est dans Le Massacre de Fort Apache, où il joue le love interest de Shirley Temple, justement. Ouais. Il vient du Nord, John Agar. Oh là là, là là. Je ne compte même pas. Pardon. Il retrouvera John Wayne dans La Charge héroïque, où il a un rôle un peu plus important, et il tourne de manière assez active dans les années suivantes, malgré son licenciement par son employeur initial en 52 pour conduite en état d'ivresse. Il entre chez Universal en 54, et Universal va surtout l'employer sur de la SF et du western. Et c'est d'ailleurs parce qu'il commence à en avoir marre de la SF et du western qu'il finit par mettre fin à son contrat avec Universal et qu'il va tourner pour d'autres studios dans des films de SF et dans des westerns. Finalement, c'est un acteur très actif, sa carrière s'arrête plutôt à la fin des années 80 à peu près complètement et il meurt en 2002. Stephanie Clayton, le personnage féminin principal qui est donc une scientifique étudiante qui va entrer au service du laboratoire où il y a les expériences étranges, elle est interprétée par Mara Corday qui, après une brève carrière de danseuse, est prise sous contrat par Universal et commence à apparaître dans pas mal de films, d'abord dans des petits rôles. Tarantula, c'est un de ses premiers gros rôles. Elle tourne jusqu'au début des années 60 avant d'arrêter sa carrière et de se concentrer sur sa famille, mais elle reviendra à l'écran quelques fois à partir de 1977 dans des petits rôles, en bonne partie dans des films de Clint Eastwood avec qui elle était amie, et elle meurt en 2025 à 95 ans. Ok. Le professeur Gerald Dimmer, donc celui qui fait les expériences étranges, est joué par Leo G. Carroll, qui commence sa carrière au théâtre en Angleterre avant de partir pour les États-Unis et de s'orienter vers le ciné. Il a joué dans 6 films d'Hitchcock, pas forcément, enfin même jamais dans des premiers rôles et même pas forcément dans des rôles importants, mais ça fait a priori de lui l'acteur qui a tourné le plus souvent pour ce réalisateur. Son plus gros rôle, c'est dans la série des agents très spéciaux, The Man from U.N.C.L.E., où il joue le chef Alexander Waverly, de 1964 à 1968, et sa carrière s'arrête à peu près, s'arrête peu après ça, et il meurt en 72, mais bon, il avait 85 ans, il était déjà assez âgé. Oui. Le shérif Andrews est joué par Nestor Paiva, qui tourne beaucoup, même si parfois juste comme silhouette dans les années 30 à 60. On peut mentionner qu'il joue dans plusieurs épisodes de la série Zorro de Disney. Il joue toujours le rôle d'un aubergiste qui change de nom d'un épisode à l'autre parce qu'ils n'en avaient rien à battre, j'ai l'impression. On peut mentionner le titre très attirant Jesse James contre Frankenstein, qui est encore mieux en VO, parce qu'en VO c'est Jesse James meets Frankenstein's daughter. Voilà, donc celui-là, j'ai très envie de le voir. Si on dirait un faux titre du bot sur Blue Sky qui fait des faux titres de films de série B. Ça a l'air incroyable. C'est en 1966 et c'est donc l'année de sa mort parce que c'est important de faire sa sortie sur une œuvre testamentaire. Les deux scientifiques atteints d'acromégalie, donc dont on ne voit jamais vraiment totalement le véritable visage, Jacob Ellons, sont interprétés par Eddie Parker, qui est un acteur de petits rôles, de silhouette et un cascadeur très très actif, pas toujours crédité. Lui, c'est souvent dans les films de la Universal et il y a plus de 700 films dans sa filmo, parce que bah voilà, il allait d'un truc à l'autre pour jouer un petit rôle, pour faire une cascade, etc. quoi. Et a priori, c'est à mentionner parce que c'est la deuxième apparition dans un film de Clint Eastwood non crédité. C'est lui qui joue le pilote d'avion qui tire le napalm sur l'araignée à la fin. Sa première apparition était dans La Revanche de la créature du même réalisateur. Alors j'ai vu pas mal de sources dire que c'était Eastwood. Et plusieurs disaient qu'il était très reconnaissable à la voix et au visage. Moi, je trouve pas du tout. Dans La créature, il l'est. Mais dans celui-là, je suis d'accord avec toi... Je l'aurais pas su, je l'aurais jamais reconnu. Ouais, voilà. Alors moi, c'est surtout à la voix que j'aurais eu une chance de le reconnaître, même s'il a des yeux assez identifiables, Eastwood, d'autant que j'ai vu les westerns de Sergio Leone, donc j'ai beaucoup vu ses yeux. Mais ouais, j'aurais pas du tout identifié, mais voilà, visiblement, c'est lui. Et donc, c'est déjà Eastwood qui sauve le monde. Voilà. Ah, puis c'est pas des petites sources, hein. Moi, j'ai appris ça de Jean-Pierre Dionnet, donc... Ah oui, c'est vrai, l'information semble officielle, mais vraiment... alors après, je suis pas physiognomiste, mais je l'aurais pas du tout reconnu, moi. Le directeur photo, c'est George Robinson, qui était déjà un vétéran à l'époque, puisqu'il est né en 1890, du coup. Sa carrière de directeur photo commence en 1921, après qu'il ait un peu fait l'acteur, et il est actif presque jusqu'à sa mort en 1958 avec... énormément de crédits, dont une poignée de courts-métrages musicaux, 187 crédits a priori. Le film utilise beaucoup de véritables animaux et insectes, les marionnettes et faux étant utilisés pour des gros plans sur le visage et sur les crocs et pour la fin, et la véritable araignée était dirigée par des jets d'air, voilà. C'est Clifford Stein qui s'occupe de ce qu'on peut appeler les effets spéciaux, qui sont beaucoup à base de calque. En fait, il est mentionné en special photography au générique et superposition d'images. C'est un directeur photo et responsable des effets spéciaux qui commence sa carrière en 1933 sur King Kong, où il n'a qu'un poste secondaire par contre, et il tient un poste similaire à celui qu'il a là pour Jack Arnold dans L'Homme qui rétrécit. En fait, il travaille pas mal autour de ça, c'est-à-dire des projections qui permettent de créer différentes échelles et d'avoir les acteurs sur des décors avec des trucs beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits à l'écran, ce qui explique qu'il était sur L'Homme qui rétrécit, vu que ça a été très utilisé sur ce film, forcément. Effectivement. Sa carrière s'arrête en 1979 avec Airport 80, Concorde, pardon, c'est ça le titre complet, avec Alain Delon et George Kennedy, et il meurt en 1986. Les maquillages spéciaux, donc principalement les personnages atteints d'acromégalie, sont faits par Burt Westmore, le fils de George Westmore, et il s'inscrit donc dans une lignée de maquilleurs à Hollywood, puisque les six enfants de George Westmore travaillent à ce même poste, et il y en a plusieurs qui sont patrons du département maquillage de différents studios. Et encore aujourd'hui, il y a des descendants des Westmore qui travaillent dans le milieu du maquillage à Hollywood. Donc c'est un peu les Coppola du maquillage, quoi. Oui, c'est ça. Il a participé, et Bud Westmore a participé au design de maquillage de la première Barbie, par exemple. D'accord. Il est à la tête du département maquillage d'Universal à l'époque, il était déjà sur la créature du Lagon Noir, et se retrouve crédité pour le design de la créature, alors que c'est en réalité l'œuvre de Millicent Patrick, mais comme c'était lui le patron de studio, c'est lui qui est crédité, c'est un peu du vol. Ah oui. On peut mentionner aussi qu'il est sur pas mal de films Abbott et Costello, vu que c'est, ça a été le studio Universal qui les produisait à l'époque, en partie ceux qui sont justement des rencontres avec des monstres du catalogue horrifique, donc Jekyll et Hyde, La Momie, Frankenstein. Entre temps, ils en font un qui s'appelle Abbott et Costello et les flics. Moi, je suis d'accord pour que ça s'inscrive au même niveau que les autres monstres. Selon IMDb, il a plus de 608 crédits, mais je suppose qu'une partie est due au fait, encore une fois, qu'il était patron du département et que donc il était indiqué sans être forcément méga impliqué. Et il meurt en 1973. S'auto-approprier le boulot des autres. Ouais, c'est un peu ça. Les crédits à l'époque, c'était un peu léger, hein, des fois. Et on peut mentionner que les décors sont de Russell A. Gossman, lui aussi expérimenté dans son domaine, puisqu'il avait déjà gagné l'Oscar des meilleurs décors pour Le Fantôme de l'Opéra en 1943, et qu'il le regagnera en 1960 pour Spartacus, le Kubrick. Il meurt en 1963 après 38 ans de carrière, et là, IMDb le crédite sur 766 films. À l'époque, il était aussi sous contrat chez Universal, et lui aussi d'ailleurs, et sur tous les Abbott et Costello de l'époque. Le film est tourné en Californie. Voilà, c'est la dernière. Bon, comme beaucoup de films, hein, de toute façon, mais il n'est pas tourné là où il est censé se passer. Oui. La BO, c'est quelque chose de chaotique, et je suis tombé sur un article très intéressant à ce sujet-là, heureusement, mais assez symbolique de l'époque, puisqu'au générique, la seule personne nommée, c'est Joseph Gershenson, en tant que superviseur musical, un titre qui veut tout et rien dire. À l'époque, il était à la tête du département musique d'Universal, et il est a priori le chef d'orchestre de cette BO. Ça semble avéré, mais il n'a rien composé dessus, par contre, parce que les compositeurs qui ont vraiment écrit pour se sont Herman Stein et Henry Mancini. Et pour la suite, je me base donc sur l'article du site MMM Recordings qui analyse cette histoire. Donc il y a 39 minutes 10 secondes de musique dans le film, mais seulement un peu plus de 7 qui sont des pistes originales. Le reste, ce sont des musiques issues des précédentes BO des deux compositeurs, Stein et Mancini. Donc il semblerait que Stein a écrit 6 minutes et demie de musique inédite pour le film et Henry Mancini 38 secondes. Même si l'ensemble a été réenregistré pour être joué par le même orchestre et créer un minimum d'harmonie. Et ça, c'était pas quelque chose de rare du tout à l'époque de procéder comme ça, que les BO soient un peu d'inédits et beaucoup de trucs récupérés dans des BO des mêmes compositeurs ou pas d'ailleurs, par-ci par-là. Et c'était pas rare non plus que plusieurs compositeurs travaillent sur une BO. L'idée d'un compositeur unique, ça avait pas encore fait son chemin. On était sur de la composition à la chaîne, fait par le département pour les films. Et voilà, ça fonctionnait comme ça. Ce qui est un truc en train de revenir avec les studios de Zimmer, d'ailleurs. Oui. Raison de plus pour ne pas lui donner trop de crédit. Surtout qu'il est transphobe. Effectivement. Cependant, il est arrivé plusieurs fois que des reprises dans des albums compilations de pistes de Tarantula soient attribuées entièrement à Mancini et mentionne tout comme étant des musiques originales de ce film, alors que forcément, ce sont des amalgames de différentes sources préexistantes. Donc des deux compositeurs, Hermann Stein, c'est celui qu'on connaît le moins, après avoir été arrangeur et compositeur à la radio et pour des orchestres jazz, il entre donc comme compositeur embauché par Universal et il travaille pendant les années 50 sur quasiment 200 films, dont beaucoup de films de monstres. Mais il est à peu près jamais seul. Mais par contre, il composait pas mal de thèmes principaux sur certains des films. Sa carrière ciné perd en vitesse à partir des années 60, même s'il va travailler un temps pour la télévision tout de même. Mancini, lui, commence chez Universal à la même époque, ça faisait 2-3 ans qu'il y était à l'époque de Tarantula, et dans le même contexte, mais lui, en fait, il va, plutôt dans les années 60, arriver à un succès beaucoup plus conséquent, mais en changeant complètement de genre, puisque c'est dans la comédie et la romance qu'il est connu Henri Mancini, notamment pour ses collaborations avec des réalisateurs comme Stanley Donen ou Blake Edwards. Par exemple, La Panthère Rose, c'est lui, donc c'est lui qui a composé le thème ultra connu de La Panthère Rose, ainsi que Diamant sur Canapé, Charade ou encore Élémentaire, mon Sherlock Holmes, que je mentionne parce que je mentionne toujours dès qu'il y a moyen de placer Holmes, et que c'est vraiment un très bon film et une très bonne BO. Là, c'est assez différent de son style signature. C'est une BO de film de monstres de l'époque que je trouve assez classique et plutôt efficace. Mais c'est vrai que je suis plus fan du style de Mancini, assez élégant, assez doux et plein de charme, qu'il développera par la suite. A noter que l'affiche originale, sur laquelle une araignée porte une femme terrifiée entre ses crocs, ne correspond à aucun moment du film. Voilà. Oui, effectivement, oui. Il ne se passe jamais ça dans Tarantula. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour rappeler un peu King Kong ? Je ne sais pas. Oh, je pense que c'est pour surfer là-dessus et pour essayer de vendre quelque chose d'un peu sexy et attirer le public. Il y a moyen que l'affiche ait été faite avant que le film ait été terminé aussi, ça aurait pas été rare à l'époque. Oui. Le film sort le 29 octobre 1955 en double programme avec Running Wild, titre français Le Gang des Jeunes d'Abner Biberman, un film noir adapté d'un roman portant le doux titre de Femme en cage, savant du rêve. C'est un plutôt beau succès à la sortie, selon les variétés de l'époque, c'est le quatrième film au box-office en décembre 1955. Retenez que les films, à l'époque, ils ne sortaient pas partout en simultané, en fait. Ils sortaient d'abord dans une ou quelques grosses villes, et après, les copies circulaient dans des plus petits cinémas, ce qui fait que les cinémas d'endroits un peu reculés, les vraiment petits cinémas de petites villes, ça pouvait mettre plus d'un an, et encore je suis généreux, pour avoir les films en fait. Il y avait un énorme décalage, le concept de sortie nationale n'existait pas tel qu'il existe aujourd'hui. Ah oui, ah, même donc aujourd'hui c'est même de la sortie mondiale aujourd'hui. Donc, oui, aujourd'hui on arrive à de la sortie mondiale, effectivement. Encore un autre step, quoi. Ouais. Mais oui, et ça explique pourquoi à l'époque des films restaient à l'affiche pendant des années et des années, quoi. Oui, bah en plus il faut ajouter qu'à l'époque aucun support physique domestique n'existait. Donc, oui. Que la seule possibilité de voir un film, c'était le cinéma. Donc, si un film avait un beau succès, bah, on le laissait au cinéma parce que c'était le seul moyen pour les gens de le revoir. Avec la télé, non, la télé en 55, pas encore tant que ça. Donc, pas tant que ça. Hein. C'est un peu plus tard, ouais. T'imagines le mec qui décide de se faire un road trip et de faire tout le tour des États-Unis. À chaque fois que je change de ville, c'est toujours le même film parce que la bobine me suit inévitablement. C'est un concept de film, hein. Le gars est dégoûté, il est obligé de voir toujours le même film. Ah, c'est un bon concept de film en soi. Et à noter que du coup, c'est très rigolo de lire des magazines ciné de l'époque parce que les critiques, dès qu'ils parlent d'un film un peu vieux, en fait, ils parlent d'un film qu'ils n'ont pas vu depuis plusieurs années. Et donc, dans l'ensemble, ils finissent par raconter n'importe quoi parce que la vérité sur le film se mélange à leurs souvenirs, à ce qu'ils en ont construit dans leur tête. Et je trouve que ça a du charme. Alors évidemment, du coup, c'est pas du tout à prendre comme une source d'information fiable si vous vous renseignez sur les films en eux-mêmes. Mais je trouve ça intéressant à lire, genre les vieux Midi Minuit Fantastique. C'est oui. Une cinéphilie qui est intéressante, je trouve. Mm. Je trouve surtout des critiques contemporaines du film, puisqu'il a atteint un petit succès, un petit côté classique aujourd'hui. Parce que, bah, avec Des monstres attaquent la ville, sorti l'année précédente, il a quand même pas mal contribué à poser les codes du film d'attaque d'animal géant, en étant un des premiers, et qu'il s'inscrit dans une période et dans une filmographie qui sont assez cultes pour le film de SF. A noter que même si les critiques sont souvent bonnes et que les effets spéciaux sont considérés comme ayant globalement mieux vieilli que ceux de Des monstres attaquent la ville, c'est aussi un film souvent mentionné comme n'étant pas parmi les meilleurs ni de son réalisateur ni de son genre, même s'il est considéré comme sympathique. Oui. Il est aussi mentionné au milieu d'autres films dans la chanson d'intro du Rocky Horror Picture Show, par exemple. Donc voilà, il a son petit statut, quoi. Il a actuellement 3,5 étoiles sur Allociné, ce qui le place premier des trois qu'on a fait. 93% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place premier aussi, mais par contre la moyenne de score spectateur est de seulement 51%. Et il a 3,1 étoiles sur Letterboxd, ce qui le place deuxième, un tout petit peu derrière l'incroyable Alligator. Boy, you got nerves. Simmer down. Where'd you come from? Oh, I was on my way to old Andy Anderson's. When I saw your car, what are you doing here? There's a landslide an hour or so ago. Came back to see what caused it. Oh, this is one of those days. Old Andy called me in a sweat and said to come a running. Couldn't figure out what he's yakking about, but it seems like something was eating his cattle. Eating them? Say, he had sunstroke a couple years back. You don't suppose... No, there must be something to it. Said he had a stack of bones to show me. You wouldn't like to come along, would you? You still trust my judgment after the Jacobs business? I ain't looking for medical advice, Doc. Just company. Nous allons pouvoir passer à nos avis. C'est à toi de commencer comme d'habitude. Bah écoute, Tarantula, c'est un film que j'aime bien, comme l'ensemble des Jack Arnold que j'ai vu. J'en ai pas vu beaucoup, hein, j'ai dû en voir... Enfin, pas beaucoup. J'ai dû en voir 5-6. Sur un réalisateur qu'on a fait une trentaine, finalement. C'est quand même pas mal, déjà. Mais... Ouais, Tarantula, j'aime bien. J'aime beaucoup le rythme, en fait. C'est marrant, parce qu'en le revoyant, c'est un film que j'ai découvert il y a quelques années à l'occasion de l'édition d'un coffret de Jack Arnold chez Elephant Film. Donc ça devait être un petit peu avant 2020. Là, en le revoyant et en mettant en parallèle le vidéoclub de Castle Rock, je me disais, si King écrivait une histoire avec une araignée géante, c'est exactement comme ça qu'il l'écrirait. C'est-à-dire... Une petite ville comme ça, un petit peu paumée, avec des habitants débrouillards. La menace de l'araignée qui, elle, est vraiment lancinante pendant tout le film. Vraiment tout le film, elle est juste là, en parallèle d'autres événements. Et c'est sur ces autres événements que se focus les personnages, et non pas sur l'araignée, qui, elle, est vraiment une menace de l'ombre, quoi. C'est tellement Stephen King dans l'écriture, et voilà, ça m'a fait rigoler, du coup, en redécouvrant le film. Mais voilà, j'aime bien en fait cette ambiance-là, cette ambiance très terre-à-terre qu'a le film avec ses personnages qui sont, je trouve, plutôt bien écrits, qui réfléchissent avant d'agir. Voilà, c'est un film que j'aime bien, j'entrerai plus dans les détails plus tard, mais j'ai vraiment pas passé un mauvais moment à revoir le film. Pareil, alors pour le coup, moi c'était la première fois que je le voyais, Tarantula, j'ai vu d'autres Jack Arnold, et j'ai passé un bon moment devant, c'est un chouette petit film... Avec un casting de personnages, alors qu'ils sont tous plutôt convenus hein, dans leur oui. Dans le trope qu'ils représentent. Peut-être un tout petit peu moins le chef des scientifiques, parce qu'à l'époque, on commençait à être beaucoup sur le scientifique méchant, extrêmement égocentrique, etc., qui veut dominer le monde. Là, on verra qu'il a des bonnes intentions, en réalité, même s'il fait n'importe quoi. Mais sinon, les personnages sont assez convenus, mais ils sont attachants. Le duo formé par les protagonistes avec leur petite romance, ça marche pas mal. En effet, le choix de développer cette petite ville, qui est fait certainement pour finalement ne pas avoir à beaucoup montrer l'araignée géante, ça marche, ça permet de bien les développer. Et l'évolution de l'araignée fonctionne avec son apparition progressive, ses premières attaques. C'est bien mené, je trouve que ça gère bien son rythme. Et comme on disait, à part un moment ou deux où j'ai des petites réserves, les effets spéciaux marchent vraiment bien hein, pour l'époque. Oui, carrément. Ils ont fait du très bon travail sur les calques, etc. C'est plutôt convaincant hein, pour un truc qui date de 1955. Elle marche bien, cette araignée. Et même d'autres séquences, comme les premiers animaux géants qu'on voit dans le labo, enfin pas encore géants, mais déjà bien plus gros que nature. Les rats et les cochons d'Inde. Ouais, et le lapin aussi. Ça marche vraiment très bien, ces moments-là. Donc, chouette film pour moi, j'étais content de le voir. On le prend un peu petit à petit ? Eh ben, allons-y. Allons-y. Du coup, ça s'ouvre, on l'avait dit, sur un homme que pour l'instant on ne connaît pas, on ne sait pas de qui il s'agit, mais il est dans le désert, on voit qu'il est... Depuis trop longtemps. Subi... Voilà, lui aussi il cherche la guerre du Nord. Il est légèrement déformé, hein, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, et il tombe reine mort. Et c'est l'occasion, à peine 2 minutes de film, de constater que visuellement, les effets pratiques sont sublimes. Vraiment, tout ce qui est prothèse sur ce personnage-là, alors qu'on le voit que quelques secondes, mais c'est vraiment ultra bien fait, quoi. Ah oui, pour le coup, les prothèses sont très très bien faites pendant tout le film. Donc, on est sur un mec qui avait de la bouteille dans son métier, et ça se sent... ouais. Alors c'est marrant, parce que le gars est en... En fait, il est en pyjama, mais là, son pyjama, c'est un pyjama en tenue un peu rayée au début. La première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, c'est un prisonnier, c'est qui, lui? Ah oui, effectivement, non, j'avais pas songé... Mais c'est peut-être volontaire de vouloir nous faire songer à ça... En tout cas, c'est un début plutôt intrigant et qui marche bien, je trouve. Oui. Donc voilà, il est là dans le désert, il meurt et apparaît le titre du film en énorme, Tarantula. Oui, d'ailleurs, le titre du film porte un point d'exclamation ou non selon qu'on se réfère à l'affiche ou au générique dans le film lui-même. Oui. Donc voilà, vous pouvez l'appeler Tarantula ou Tarantula ! C'est à vous de choisir. c'est ça. Selon où vous êtes. Vous êtes... voilà. Si vous êtes prêt à regarder le film, vous pouvez le faire. Tarantula ! Si vous êtes dans une bibliothèque, Tarantula. Attention, quoi. Le respect avant tout. Et donc, on va être introduit à notre protagoniste, le professeur Matt Hastings, qui revient en hélicoptère d'une petite balade. Et qui va être appelé par le shérif pour observer le cadavre, parce que le shérif a bien l'impression de reconnaître le mort, mais justement, à cause des déformations, il n'est pas certain de son coup. Oui. Il sait que Matt Hastings aurait travaillé avec lui, parce qu'il a l'impression de reconnaître Jacobs, donc un scientifique qui travaille dans un laboratoire pas très loin, avec lequel Hastings a déjà eu des contacts. C'est ça. Et effectivement, Hastings reconnaît Jacobs, il en est certain. Seulement, lui, ça lui pose problème parce que la maladie qu'il a l'impression d'identifier, c'est l'acromégalie, donc une maladie qui entraîne des déformations, entre autres des os du visage, etc. Sauf qu'il a vu Jacobs pas si longtemps que ça avant, et l'acromégalie, ça met une éternité, des années à se développer normalement. Et le shérif lui dit Jacobs, je l'ai vu le mois dernier, il allait parfaitement bien, il n'y avait rien de notable. Donc pour Hastings, oui. Ça ne peut pas être de l'acromégalie. Et encore, le mois dernier, c'est 4 jours, il lui dit. Ouais. Je l'ai vu il y a 4 jours. Moi. Mais le patron de Jacobs arrive, Dimmer, et lui dit que si, c'est ça, c'est l'acromégalie. C'est bien lui, j'étais ami avec lui, c'est mon meilleur ami. C'est pas que son collègue, c'est ce qu'il dit en tout cas. Voilà, lui, il dit c'est bien lui, c'est bien ça. Ce en quoi il paraît plutôt sincère hein, sur le fait que c'était son meilleur ami, ça reviendra par la suite. Oui. Mais ça, c'est une force du film, je trouve. Hein. C'est vraiment les relations entre les personnages hein, et leur développement tout le long du film. Tu disais que le duo entre l'héroïne et le protagoniste fonctionne bien, mais je trouve que le duo qu'ils forment également avec le shérif fonctionne aussi très bien. Ils ont un duo d'amitié qui, des fois, s'envoie des petites piques comme ça et qui est développé tout le long du film, et c'est vraiment chouette, quoi. Oui, effectivement, ouais. Mais voilà, l'autre est sincère, du coup, il dit « si, c'est bien lui ». Mais le shérif le croit. Par contre, le docteur, lui, un peu moins. Faut avouer que, franchement, heureusement que le shérif est très dans le délire. Ouais, il a une blouse blanche, ça doit être vrai ce qu'il dit. Parce que l'explication du scientifique, elle est pas méga convaincante. C'est littéralement. Oui, mais vous savez, en science, on voit des trucs étranges tous les jours. Hein. Ouais, oui. Merci, professeur. On passe à la suite. Et donc, on enchaîne sur Dimmer qui retourne dans son labo et ce qui donne cette très belle scène qui permet de voir les premiers animaux de taille excessive. Donc, effectivement, surtout des rats, des cochons d'Inde, lapins dans les cages. Et c'est super bien fait, je trouve. Il y a une très bonne gestion des échelles, une très bonne méthode pour montrer qu'ils grandissent de plus en plus au fur et à mesure que le nombre de piqûres augmente. Ils sont d'une taille de plus en plus démesurée par rapport à leur taille normale. J'aime beaucoup comment c'est réalisé aussi, parce qu'on ne te les montre pas de manière « Oh, regardez, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. » Non, c'est juste lui, il se balade dans son labo, et tu les vois en fait en fond, et du coup, en fait, tu percutes pas tout de suite. Peut-être tu te dis « Il y a un truc bizarre. » Et après, arrive le second effet qui se coule. Où là tu te dis, ah mais en fait, c'est normal que le cochon d'Inde, il a la taille d'un chien, là, c'est bizarre. Oui, c'est bien fait, et c'est d'autant mieux fait que c'est pas tout de suite des animaux vraiment géants, ils sont très gros par rapport à ce qu'ils devraient être, mais ils sont pas littéralement géants, et ça inscrit un peu le film dans une sorte de normalité on va dire. C'est ça. Qui rend ça efficace. Et une très bonne direction d'acteur aussi de Jack Arnold, parce que vraiment, le scientifique regarde là où il doit regarder. Oui. Tu vois, dans beaucoup de films aujourd'hui, pas beaucoup de films, t'as des films aujourd'hui qui sont tournés sur fond vert, tu vois que les acteurs ils regardent pas du tout là où ils doivent regarder, quoi. Ouais. Et en plus, avoir toujours les animaux dans le fond et le scientifique au premier plan, ça permet de toujours garder l'idée d'échelle, en fait, de toujours remettre tout à l'échelle, donc ça, c'est toujours bien. Et c'est là aussi qu'arrive l'amygdale, enfin l'amygdale, la fameuse araignée du film. Oui, c'est ça, qui a encore une taille entre guillemets raisonnable à ce moment-là. Ouais, elle fait la taille d'un labrador, quoi, disons, c'est quand même ouais, bizarre. Ouais, c'est déjà pas mal, mais c'est gérable, tu vois. Disons que je la croise dans mon escalier, bon bah finalement je me dis le pain, bon j'irai l'acheter demain finalement. Oui là, effectivement. Allez, au revoir. Non mais l'intelligence de la séquence, c'est que juste avant qu'on voie la grosse araignée, il en manipule une plus petite, enfin une araignée normale, dans une petite cage. Il la repose et là tout d'un coup tu vois la grosse araignée dans sa cage derrière lui. Et c'est très intelligent parce que ça remet vraiment en perspective totalement la taille réelle de ce que doit être cet animal. Ouais. Après arrive le moment où il y a son assistant qui arrive. Ouais, le deuxième assistant. Qui lui aussi a connu des bricoles. Hein. Ouais. On comprend qu'il souffre du même mal que son meilleur ami qu'on a vu mourir dans le désert au début du film. Il arrive, ouais. Il est tout déformé. Encore une fois, les prothèses sont super bien faites. On y croit, quoi. Et on sent qu'il commence à être lui aussi au bout parce qu'il a du mal à se déplacer, etc. Ouais. Et donc, il attaque le professeur qu'il considère comme responsable de son état, ce qui est quand même relativement vrai, on va pas se mentir. Alors, vrai, oui et non. On l'apprend à la fin du film. Oui, c'est à moitié, on va dire. C'est eux-mêmes, lui et l'autre, là, qui se sont injectés volontairement pour tester sur eux, vrai. Alors que lui disait non. Ouais, effectivement. Donc, voilà. Donc il attaque le professeur, il réussit à le terrasser et en vengeance, il va lui injecter le même produit. Donc le produit qui va développer l'acromégalie, et il meurt, sauf que dans leur combat, ils ont cassé les vitres, ils ont mis le feu à une partie du laboratoire, et autant ça va tuer la majorité des animaux géants, autant l'araignée, elle, va pouvoir s'échapper. Mais ça justifie que le professeur, derrière, alors, il a tort de ne rien dire, il entretient un secret, il fait n'importe quoi, mais à la limite, il savait pas que l'araignée s'était échappée. Oui, parce qu'il le dit à la fin aussi, pour lui, elle était morte, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il n'est pas non plus démesurément inconscient, on va dire. C'est pas volontairement qu'il crée une situation réellement très très merdique. C'est pour ça que j'aime bien le personnage, c'est que c'est pas un personnage tout blanc ni tout noir, quoi. Oui. Le curseur est vraiment pile poil au milieu, et c'est ce qui en fait un personnage intéressant, je trouve. Ce qui en fait, je trouve, un scientifique qui rappelle pas mal ceux qu'on peut avoir dans certains Godzilla. Les scientifiques sont souvent bien intentionnés dans les Godzilla, mais ça part en couille parce qu'ils ont un ego surdimensionné. Oui, voilà, c'est ça. Alors, par contre, le moment où il enterre Lund, ce qu'il ne faut pas faire, hein, si vous avez un collègue qui meurt, l'enterrez pas dans votre jardin. Voilà, c'est évité. Remettez-le à sa famille. Il y a un moment, il y a un singe qui lui saute dessus. Je suis quasiment sûr que le singe, il est jeté depuis le hors-cadre. Elle est très bizarre, sa trajectoire. Ah oui, et puis ça se voit, le singe, il est... Enfin, ça se voit à l'écran que le singe, il est effrayé et qu'il a pas envie d'être là. Ouais, ouais. Là, pas l'animal le mieux dressé du film. Voilà ce que j'allais dire, le dresseur animalier du film, là, mauvais point. Hein. Attention. Ouais. Bon. Ça fait penser au film d'attaque de chat où, en fait, les chats, ils sont juste balancés sur les acteurs. Ah, mais ça, c'est systématique vois, avec pas envie les chats, là. Ouais. Tu vois qu'ils ont pas envie d'être là, quoi. Enfin, déjà, de base, un chat n'a jamais envie d'être là où il est. Donc, bon. À part si nous non plus, on n'a pas envie qu'il y soit là, il est content. Ah oui, c'est ça. On est le lendemain ensuite, et Hastings a fait ses recherches, il a consulté les données scientifiques, la littérature scientifique, et il dit que non, il n'y a vraiment aucun cas d'acromégalie qui se serait développé aussi vite, et personne n'y croit. C'est là qu'on rencontre alors un personnage un peu étrange dans sa place dans l'intrigue, c'est le journaliste Joe qui va poser des questions de temps en temps, mais qui techniquement ne sert à rien en termes d'intrigue. Oui, oui, oui, il sert vraiment à rien, effectivement. C'est juste pour mettre une présence journalistique dans l'intrigue, quoi, mais voilà. Après, pourquoi pas, hein, ça crée une richesse dans les personnages, mais il a aucun rôle à aucun moment. Non, mais voilà, comme tu dis, ça crée du lore dans cet univers, dans cette petite ville. C'est comme le réceptionniste téléphonique. Ouais, mais lui, à la limite, il a un côté comic relief, tu vois. Oui, parce qu'on le voit, à chaque fois, les personnages lui passent devant, lui, il les interpelle, mais personne ne lui répond jamais. Oui, c'est rigolo. Le gars ultra intrusif, d'ailleurs. Oui. Donc, vraiment, Hastings a envie de creuser cette histoire, de plus en parler avec Dimmer, en l'occurrence, vu que c'était lui le patron. Et il profite de sa rencontre avec Stéphanie, qui donc doit devenir la nouvelle assistante de Dimmer et qui a besoin de quelqu'un pour la déposer au labo qui est un peu en retrait par rapport au reste de la ville. Ouais. Et donc ils partent ensemble. Dès le début, il y a une certaine complicité entre eux qui s'installe et qui se développera dans tout le film. Bah, c'est la traditionnelle relation romantique entre le protagoniste homme et le protagoniste femme, hein, évidemment. Ouais, on pouvait pas y couper à cette époque-là, malheureusement. Ouais. Bon, et après, encore, elle est pas mal faite. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Celle-là est plutôt douce. Il y a pas d'agressivité côté masculin. Il est pas forceur. Voilà quoi. Il est pas en train de toquer à sa porte toutes les 5 minutes. Non. Il va la voir quand il la croise dans la rue. Bon, à la limite, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Du coup, c'est plutôt mignon. Ça me va. C'est ça. Sur le trajet, le trajet en voiture jusqu'à chez le prof, ça permet de développer le personnage. Voilà, on comprend qu'en fait. Elle a la science dans l'âme depuis toute petite, qu'elle veut s'y mettre à fond, qu'elle a sauté sur l'occasion quand elle a vu la proposition d'emploi de rejoindre ces scientifiques très reconnus. Voilà. C'est pas mal comme petit dialogue, ça permet vraiment de développer tout ça, quoi. Ouais. Il y a l'araignée qui fait du stop à un moment sur le bord de la route, mais ils la voient pas, donc ils l'apprennent pas. Et j'allais dire, je me demande si 1955, ça serait pas dans les première fois où tu verrais des rôles féminins en tant que scientifique. Hein. Alors là, il faudrait vérifier, je ne saurais même pas si dire. Mais... Même si c'est de l'assistanat, c'est quand même... Oui. C'est pas juste la vendeuse du coin, quoi. Ouais, ça, il faudrait vérifier. Je t'avouerais que je saurais pas du tout dire, pour le coup. J'ai pas checké. C'est quelque chose que j'ai lancé comme ça. Mais donc oui, effectivement, comme tu dis, l'araignée fait du stop. Il y a tellement de fois où, genre, elle est pas loin, elle est juste là, et à chaque ouais, fois, les gens passent à côté d'elle. Ouais, suffirait qu'il se retourne, effectivement, ouais. C'est trop drôle. Je pense que Jack Arnold aurait pu faire une vraie carrière de réalisateur de comédie encore plus. J'ai hâte de voir, du coup, faut vraiment que je regarde celle avec Peter Sellers, parce que si ça marche, ouais, ça m'incitera à regarder ces autres petites comédies, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, je crois. Il n'y en a pas beaucoup, hein, majoritairement. Nous, en France, j'ai l'impression qu'on le connaît surtout pour le cinéma de fantastique et de science-fiction, alors que c'est même pas ce cinéma-là qu'il a fait le plus non plus. Hein. Il a surtout fait du western et du polar. Ah bah c'est... Oui, c'est ça, et le film fantastique, on le retient beaucoup quand même, pour le coup, pas mal de cultes. Bah oui, voilà, parce qu'il a fait l'incroyable L'Homme qui rétrécit, il faut quand même le dire. Même la créature du Marais, c'est quand même un film avec un statut culte assez prononcé, non ? La créature du lac noir, c'est très bien. Les deux sont très bien, vraiment. L'original et la revanche, les deux sont à voir. Donc voilà, le voyage se fait... Ils arrivent chez le professeur Dimmer et Hastings va l'interroger, essayer de l'interroger un peu plus avant. Bon, encore une fois, le professeur est méga suspect, notamment quand il dit que Lund n'est plus avec nous depuis des années. C'est pas dur à vérifier quand même. Je suis sûr que le shérif, il l'a croisé il y a 3 jours, Lund, vu qu'il croise tout le monde. Il y a un moment, les mensonges sont pas crédibles. Malgré ses bonnes intentions, parce que là, il fait tout son discours sur le besoin de développer un nouveau produit alimentaire afin de régler le problème de la faim dans le monde futur. D'ailleurs, ces chiffres sont très sous-estimés pour l'augmentation de la population. Oui, parce qu'il annonce, année 2000, 3 millions, 3 milliards. Ouais, 3 milliards et demi, je crois, en 2000. Bon, mais on était déjà plus proche des 7 milliards, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il y a déjà ce discours... Ce discours totalement biaisé et totalement faux de dire que la planète ne peut pas créer autant de nourriture pour autant de monde, ce qui n'est pas vrai. Tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, finalement, on gaspille beaucoup plus qu'on ne devrait, surtout. Plus que, oui, c'est les manières de produire, les manières de distribuer qui ne fonctionnent pas. Mais ça, à la limite, c'est... Je pense que dans les années 50... Pour l'époque, voilà. Il n'y avait pas forcément la conscience que ce discours était faux. Il y avait réellement cette crainte qu'un jour, les limites de la planète soient atteintes. Voilà, c'est ça. Alors que pas du tout, la planète est largement capable de produire de quoi alimenter les 7 milliards qu'on est, quoi. Ouais, c'est le vrai problème, c'est que t'as 0,1% de connards qui gaspillent tout, quoi. Ouais. C'est ça le vrai problème. Mi-janvier, les mecs, ils ont déjà pété leur quota de CO2, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est du délire. Alors, j'aime bien au moment où Hastings va repartir, il nous fait une Columbo, tu sais, il se retourne au dernier moment. Ah, encore une petite dernière chose pour mentionner l'acromégalie. Il obtient l'accord oral de faire l'autopsie de Jacobs. Ouais. Alors légalement, je pense que ça marche pas, d'avoir l'accord oral du patron de la personne que tu veux autopsier. Je pense qu'il faut des trucs un peu plus sérieux que ça. Oui. Mais lui, ça lui suffit. On va voir les expériences de Dimmer et de Stéphanie qui vont permettre de développer un peu plus encore les intentions de Dimmer et de commencer à voir de plus en plus qu'il a tendance à jouer un peu avec le feu, à être un peu un scientifique qui ne prend pas assez en compte l'éthique et la prudence. Oui, mais parce que on le sent que lui-même se rend compte qu'il est condamné, en fait. Oui. Parce qu'il y a la petite gêne au niveau de la piqûre que l'autre lui a fait qui commence à le perturber pas mal. Ouais, c'est ça, il commence à sentir ça. Après, c'est pas clair de est-ce qu'il est au courant que l'autre lui a injecté ou pas. À ce moment-là du film, c'est vraiment pas clair, quoi. Ça, c'est peut-être l'élément sur lequel ils auraient pu un peu plus développer. Bah, ceci dit, y a moyen qu'il en ait pas conscience à ce stade-là de ce que c'est, vu que l'autre l'a fait quand il était dans le coma, qu'il y avait l'incendie à côté, que quand il se réveille, il le retrouve mort. Il peut ne pas se douter qu'il a été injecté avec le produit à ce stade. Bah, mais il le retrouve mort avec une seringue qui est vide, tu vois. Ouais, oui. Et en plus de ça, juste après l'incendie, au moment où il se redresse, tu sais, il a un petit mouvement vers le bras, quoi. Là où il a été piqué, donc... Ouais. C'est pas assez clair, je trouve. Ouais, effectivement, il manque peut-être un peu de clarté là-dessus. L'autopsie, Hastings l'a fait, mais ça donne aucun autre résultat, à part de confirmer que c'est une acromégalie et que donc, c'est pas normal qu'elle se soit développée voilà. Aussi vite. Le shérif, du coup, l'envoie chier. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas un très bon scientifique, etc. Si je veux des conseils en médecine, j'irai à Félix. C'est là que Hastings croise Stéphanie dans la rue et qu'ils discutent ensemble et que Stéphanie lui fait part de l'instabilité du produit et donc des réserves qu'elle a sur les expériences et qu'il décide de la raccompagner. Oui. À noter en effet qu'il y a une petite blague là-dessus, Hastings est très très peu pris par ses patients quand même, hein. Il peut faire ce qu'il veut de ses journées, il est docteur, mais il a jamais de contraintes, quoi. C'est... Oui, c'est ça. C'est Watson, le mec. Écoute, les avantages des médecins dans les petites villes, quoi. Ouais, on va dire ça, ouais. All this was once an ocean, wasn't it? Mm-hmm. You can still find seashells if you keep your eyes open. What's that? Got it. Oh, there he is. Scared me. Oh, I'm beginning to see now why you love it here. Catching, huh? Mm-hmm. I think I'll have that cigarette now. Thank you. You know, it must look out of this world from the air. I'll show it to you sometime. Oh, will you really? Uh-huh. What does it look like? Oh, like something from another life. Serene, quiet, yet strangely evil. As if it were hiding its secret from man. You make it sound so, so creepy. The unknown always is. Là, donc, il y a la balade romantique à nouveau dans le désert avec la pause qu'ils font pour un peu sous un tas de pierres, ce qui permet d'avoir la scène de la chute des pierres. La scène de l'éboulement. Ouais. Ah, un éboulement étrange, qu'est-ce qui a provoqué ça? Eh ben, eux ne le savent pas, parce qu'ils seraient restés 2 minutes de plus, ben ils l'auraient su. Mais ils sont partis trop vite. Ouais. Mais ceci dit, je comprends la volonté de partir quand t'as des éboulements près de gros tas de pierres qui peuvent potentiellement t'écraser, tu vois. Oui, oui. Et là, c'est l'occasion pour nous, spectateurs, de se rendre compte que l'araignée a bien grossi, quoi. Ouais, cette apparition-là est bien réussie, je trouve, encore une fois. Elle fait tellement apparition de Keiju, quoi. Oui, bah c'est totalement ça. tu vois un amas ou une espèce de petite montagne et tout d'un coup t'as une patte qui dépasse, la musique inquiétante qui arrive. Ouais, cette apparition est vraiment bien gérée, quoi. Ouais, ouais. C'est pas pour rien que les kaiju le font beaucoup, hein. C'est une apparition qui marche très bien, une manière d'apparition qui marche très bien. Quand ils arrivent, Dimmer est absent, a priori, et les animaux là ont largement poussé en très très peu de temps. L'instabilité du produit est de plus en plus flagrante. Ouais, il y a un coup de fil qui retentit, c'est pour le docteur, et donc il doit se barrer. Ouais, c'est la deuxième fois que ça arrive, et à noter que autant la première fois il avait prévenu qu'il allait chez ce scientifique, autant là il a pas prévenu, donc qu'est-ce qu'il a fait, son secrétaire, il a appelé l'intégralité du bled. C'est la réflexion que je me suis fait, je me suis dit mais comment l'autre il sait. Ouais. Donc il s'en va, et c'est l'occasion pour notre scientifique fou de descendre l'escalier, et en fait il était là. Et on se rend compte que c'est un Skrull. C'est vrai, oui, l'acromégalie a bien bien progressé à ce stade-là. Il a un menton à facettes, vraiment comme un Skrull, enfin, incroyable. Et elle panique, ce qui est marrant c'est qu'elle panique, lui en fait il se contente de l'engueuler, et c'est après, quand elle monte dans sa chambre, que lui va se voir dans un miroir et constate qu'il n'était pas au courant en fait. Oui, il constate à quel point ça a avancé. Il était peut-être au courant qu'il y avait un truc, mais pas à ce point-là, quoi. Et c'est là vraiment que il comprend, en fait, c'est l'autre qui m'a injecté le produit, quoi. Ouais, et donc il comprend que cette fois-ci, c'est terminé. Il a peut-être 2-3 jours à vivre, mais qu'il faut qu'il se dépêche s'il veut mener à bien ses expériences. Voilà. Notre personnage principal retourne au lieu de l'éboulis. Ouais. Pas de l'éboulement. Parce que ça l'intrigue. Ça l'intrigue. Voilà, ça l'intrigue quand même. Et qui c'est-il qui débarque ? Le shérif. Qui doit aller chez un fermier du coin qui a appelé pour dire que son troupeau, des animaux de son troupeau s'étaient fait massacrer. Voilà. De manière un peu bizarre. Et du coup, il s'arrête. Non, mais c'est quand même incroyable. Pour le coup, c'est lunaire. Il doit se rendre chez un éleveur parce que son troupeau s'est fait abattre. Et genre, le mec, il croise son pote médecin, il s'arrête, il lui dit « Eh, ma couille, tu veux venir avec moi ?» Non, mais c'est lunaire. Oui, en plus, il précise « Non, mais c'est pas en tant que médecin, c'est juste en tant que pote, histoire d'avoir de la compagnie. » Oui, c'est pour avoir de la compagnie, mais comment ça ? Effectivement, la rigueur de l'enquête policière est un peu légère. C'est incroyable. On va pas se mentir. Ah, c'était les années 50, hein. Ouais. C'était les années 50, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, ça passe. Voilà. Après, je dis ça, mais j'aime bien. C'est rigolo comme ça. Oui, c'est drôle. Et puis, encore une fois, ça développe leur relation, donc c'est bien. C'est ça. Et donc, ils y vont. Ils vont constater, effectivement, que là où il y avait un troupeau, il ne reste plus que des os. Ouais. Donc, on les fait réduire vraiment aux os, mais les os blanchis, quoi. Il n'y a plus rien dessus. Oui, même le docteur questionne, est-ce que ça pourrait pas être un puma, je crois qu'il dit. Ouais. Et l'autre lui dit « Ah non, j'ai déjà vu des attaques de loups et de pumas, ça fait pas ça. » Bah oui, voilà, les cadavres sont bien trop nettoyés pour que ce soit un animal quelconque. Et à noter aussi qu'il retrouve, pour la première fois, une flaque étrange avec un liquide blanchâtre qui s'identifie pas. Sans savoir s'il y a un lien, pour le moment, c'est plus tard, quand ils en retrouveront sur le lieu d'une autre attaque, qu'ils feront le lien. Oui. On en parlera, mais il fait un move, mais tellement stupide. Ah oui, on est d'accord, oui. Surtout en tant que scientifique. Ouais, ouais, mais on y reviendra, oui. Mais donc, oui, effectivement. Ensuite, c'est la nuit, et on voit la première attaque du point de vue de... Enfin, vraiment la première attaque de l'araignée. Donc, en partie de son point de vue avec les chevaux. Les dards, oui, sur les chevaux. Qui marche bien, je trouve, hein. Ça la rendre plutôt inquiétante. Directement dans la gueule de l'araignée, ouais. Ouais, c'est fait pour faire des économies, mais ça marche bien. Bah oui, c'est ça. C'est, tu vas à l'économie, mais au final, le plan est vraiment inquiétant. Et ouais, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne quand c'est sur les chevaux, et d'autant plus, ça fonctionne encore plus quand après, c'est le fermier qui débarque et qu'il va se faire gober, quoi. Ouais. Ouais, c'est une scène qui marche vraiment bien. Et ça montre enfin l'araignée active, alors que jusque-là, elle était juste dans le décor. Et puis, la scène est nuit en plus, donc tout est beaucoup moins éclairé. Ça renforce l'inquiétude, de la séquence, quoi. Ouais. À la limite, là, sur un des plans, il y a un des effets que je ne trouve pas très réussi. Quand l'araignée s'éloigne dans les collines, à un moment, on voit que ses pattes coupent avant d'atteindre le sol. Il y a un petit vide, mais bon, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais, oui. Après, est-ce que... Le problème avec des vieux films comme ça, est-ce que cet effet spécial était déjà dégueulasse à l'époque, ou est-ce que c'est à force de remasterisation qu'on voit l'effet? On peut se poser la question sur certains trucs. Là, il y a moyen que ça se soit déjà vu un peu à l'époque, je pense, quand même. Ouais. Donc, le lendemain, Hastings, le shérif et le journaliste vont sur le lieu de ce nouveau, nouveau massacre. Et là, effectivement, tu peux dire ce que le docteur fait, qui est assez stupide. Donc, il trempe sa main dans ce liquide inconnu et le goûte. Ouais. Il n'y a rien qui va, ouais. Alors, et puis, en fait, il y a l'effet qui se coule rétroactif. C'est qu'après, quand tu sais ce que c'est, tu te dis, en fait, il aurait dû crever. À ce moment-là. Bah oui, vu que c'est du venin, effectivement. Voilà. Ouais. On apprend après que c'est du venin, donc il aurait dû crever, quoi, ce Kong si fou. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il recherchait en mettant la main dedans, parce que il a retrouvé des squelettes juste à côté. Je pense pas au venin en premier, mais je me dis c'est potentiellement de l'acide, quoi. Bah oui. Ce qui est là. Et du coup, il s'attendait à quoi? À tremper la main, à plus avoir de main et à dire c'est bien de l'acide, hein. J'ai mal, hein. J'ai beau être matinal. Moi, au tout début, j'avais pas compris en fait que c'était un liquide. Je croyais que c'était une espèce de cocon, tu vois. Je pensais que l'araignée ce qu'elle veut bouffer dans un cocon et après elle aspire comme font beaucoup d'araignées. J'avais pas tilté que c'était un liquide. C'est vraiment quand il parle de liquide et quand on le voit verser ça dans un thermos que là je fais mais d'accord, c'est un liquide. J'avais pas compris. Mais oui, quand je l'ai vu goûter, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Mais et c'est scientifique ça. Ouais. Le shérif l'a dit, hein. Il est pas foufou, il ferait mieux d'aller à Phoenix. Mais bon, au moins, là, pour le coup, Hastings, lui, dit qu'il reconnaît du venin, mais personne ne le croit du fait que les quantités sont absolument colossales. Et en plus, il précise du venin d'insectes. Ouais. Ok, effectivement. Ils sont contactés, il est appelé par Stéphanie, qui dit que le prof est très malade, mais qui est interrompu par Dimmer, et donc elle crie de peur au téléphone, ce qui va pousser Matt à y aller en courant. Et qui va amener la confession du professeur. Ouais. Qui est un moment un peu touchant, parce qu'il explique que ça faisait très longtemps que lui, Jacob Ellens, travaillait sur cette recherche d'un moyen de régler le problème de la faim dans le monde, et que les deux autres ont été trop impatients, et donc ont fini par s'injecter le produit parce qu'il ne pouvait plus attendre, et que aujourd'hui tout est gâché, lui il va mourir, toutes ses recherches, tous les animaux précédents ont brûlé, donc il n'y a plus de preuves de ce qu'ils avaient réussi à découvrir. C'est un peu touchant, je trouve. Ouais, c'est bien amené, c'est filmé de manière très très sobre en plus, il n'y a pas du tout de musique à ce moment-là, effectivement c'est très posé comme séquence, comme tu dis, c'est très touchant. Et puis il y a le fait qu'il soit de plus en plus déformé aussi, qu'il joue, hein. Oui, qu'il sait qu'il est condamné, qu'il va mourir. C'est un beau moyen de montrer... On voit qu'il est dans le mal, quoi. L'arrivée de la fin, ouais. Que mentalement, quoi. Ouais. Et c'est là que, du coup, ça fait un peu tilt chez le personnage principal. Quand il lui dit qu'il y avait une araignée, mais qu'elle a cramé, lui, on sent que... Ouais, il commence à se dire, et si elle n'avait pas si bien cramé que ça? Et voilà, c'est ça. The isotope triggered our nutrient into a nightmare. Then Paul went crazy and it attacked me. While I was unconscious, he made sure that I wouldn't survive. But I continued the experiment, hoping that in the short time left to me, I'd be able to prove the nutrient would work. Oh, you should have seen them. You should have seen them. You should have seen them before the fire. They lived on nothing but our nutrient. Rat, 8 times normal size. Guinea pig, big as a police dog. Tarantula. Lost. All lost. What about the tarantula? Burned. All burned. Il passe chez un autre scientifique dans une autre ville pour avoir plus d'informations. Déjà pour vraiment faire authentifier le venin, et en effet, oui, c'en est. Et pour avoir plus d'informations sur la mygale pour le spectateur, ce qui est du coup assez logique, parce que c'est bien d'amener un peu d'informations quand même sur l'animal. Et là, bah, c'est le bon contexte. Il est chez un scientifique qui connaît son sujet, qui donne les éléments de base. Je trouve que ça marche bien. Oui, un scientifique qui semble être spécialisé en plus dans les arachnides. Donc oui, ça fonctionne très bien. Il y a un petit moment un petit peu didactique où on nous explique vraiment ses natures et découvertes. Hein. Il nous passe un documentaire sur l'araignée en nous commentant ce qui se passe et... Ouais, mais ça va, c'est un peu logique, tu vois. Je trouve ça plutôt bien amené. Oui, mais c'est rigolo. Ouais. Donc Hastings comprend que là, la situation devient urgente, que l'araignée fait une taille visiblement totalement démesurée et que donc il va falloir la neutraliser. Et il dit au shérif que déjà il faut mobiliser toutes les forces disponibles sur place et il faut contacter la base de l'armée la plus proche pour qu'elle se prépare à intervenir avec des avions. Ouais. Bon, le shérif au début se dit est-ce qu'on abuse peut-être pas un peu ? Est-ce qu'on n'abuserait pas un peu? C'est qu'une araignée et une grosse tapette, puis ça passe. Il a été tué par la tapette géante. Monsieur n'est pas une tapette, monsieur est inspecteur de police. Évidemment, évidemment. Donc le docteur revient en ville et il y a au milieu des autres attaques de l'araignée, celle de la maison de Dimmer, ce qui permet de encore une fois avoir une idée de son échelle, parce que c'est une grande maison celle de Dimmer, hein. Il y a son, oui, labo, il y a tout, et l'araignée est plus grande, plus haute en tout cas que la maison. À noter que là, il y a le deuxième effet pas très réussi, alors qu'il pourrait l'être, c'est quand l'araignée regarde à travers la fenêtre et que donc on prend une mesure de sa taille. L'idée est très bonne et la mise à l'échelle marche très bien. Par contre, une araignée, ça a 8 yeux, pas 2. Oui, c'est ça, bon. C'est ça qui est très bizarre. Ouais. Vu qu'elle a 8 yeux, une araignée, ça n'a pas besoin de se rapprocher pour voir bien quelque chose. Bah, et puis juste là, on voit que 2 yeux, donc on sent que c'est pas une vraie, quoi. C'est dommage de pas avoir soigné ce détail, mais bon, voilà. Voilà, c'est sûr que ça sera mieux fait par Spielberg dans quelques années, quoi. Oui. Quand même. Effectivement. Quand la maison est en train d'être détruite, là, il y a le dernier stade d'avancement de la maladie du scientifique. Et là, la prothèse, elle est terrifiante, quoi. Oui. Elle est tellement bien faite, mais c'est terrifiant. Il y a un œil qui est au niveau de la bouche, quoi, limite. Ah, ça met pas bien, quoi. Ouais. Bon, tu peux continuer à dire comment finit la scène, hein. Bah, l'araignée détruit toute la baraque, quoi. Donc lui meurt dans les décombres, sans doute écrasé par l'araignée géante. Et elle, son assistante, réussit à fuir au moment où notre médecin en chef débarque. Comme ça, ils fuient en voiture tous les deux, avec l'araignée un peu aux trousses quand même. Hein. Ouais. Mais donc, Dimmer se sacrifie pour sauver... Oui. Pour sauver son assistante. Oui, parce que de toute façon, il sait qu'il est condamné. C'est vraiment l'acte de rédemption, quoi. Ouais. Sur le chemin de leur fuite, Hastings et Stéphanie vont rencontrer des voitures de police qui approchent. Et là, la police va finir par prendre la mesure du fait que, effectivement, c'est une un peu grosse araignée et que là, va falloir des renforts. Effectivement. Il y en a deux qui restent pour tenter de la tuer avec des mitraillettes, mais ça ne marche pas et ils se font boulotter. Bah oui. Le lendemain, alors l'araignée a dû faire un tour entre-temps, le lendemain, c'est à la dynamite qu'ils essaient, et à nouveau, la dynamite ne marche pas. Oui, parce que tu précises, elle a été faire un tour entre-temps, parce que ça fait très les vieux épisodes de Dragon Ball, à ce moment-là. C'est genre, attention, elle arrive ! Une heure après. Ouais, c'est attention, ça. Attention, elle arrive ! Ils ont eu le temps de bien préparer leur truc. Après, là, pour le coup, il y a un effet que je trouve très bien fait, c'est quand elle surgit derrière la fumée des dynamites, de l'explosion de la dynamite. Je trouve que ça marche très bien, son apparition. Alors, on sent que c'est un peu un fondu hein, des oui. années 50, mais il est vraiment bien fait. Oui, il est bien fait. Donc là, l'araignée approche dangereusement de la ville où elle pourrait commettre un massacre, mais c'est là qu'arrive Clint Eastwood. Eh oui, en avion de chasse. En avion de chasse. En avion de chasse, au début, il balance des roquettes. Rendre compte que finalement, c'est de la merde au niveau napalm. Beaucoup plus efficace. Mmh. Et effectivement, ça l'est, puisque bah, l'araignée meurt. Et fin. Voilà, on perd pas de temps. Ah bah ça, là, c'est, oui, encore une fois, film de l'époque. On avait évoqué ça dans un précédent épisode. Il y a des films de l'époque qui se finissent. Waouh, c'est bon. Allez, intrigue terminée, on coupe. C'était dans Crawl. Ouais. Ah, l'hélicoptère est là, allez hop, c'est fini. Voilà, ouais, tout le monde regarde l'araignée cramée, c'est bon, c'est fini, allez hop. Allez hop, j'ai un autre film à faire. Bon, yes, en plus, c'est probablement ça. Hein. Je pense que une heure après ce plan-là, ils étaient tous en train de tourner autre chose. Mais encore une fois, il marche, hein, ce plan de l'incendie géant, avec eux, tout petits, qui le regardent. Et surtout que ouais, tu vois bien la forme sans vie de l'araignée, avec le feu qui est sur elle. Ouais, ça rentre très bien. Là, pour le coup, je sais pas comment ils ont fait, mais... Ils ont fait cramer sans doute une fausse araignée en plastique, mais ça rend très bien. Hein. Ouais, je pense, ouais. Donc, bah, c'est une chouette fin, et c'était un film plutôt bien mené, plutôt très efficace dans son genre, qu'on vous recommande. Exactement. Ainsi que d'autres films de Jack Arnold. Oui, alors moi, on m'a dit beaucoup de bien aussi, j'ai pas retenu le titre, mais le Météore quelque chose. Oui, It Came From Outer Space en VO. Le météore de la nuit. Le météore de la nuit. On m'en a dit beaucoup de bien de celui-là, mais je ne l'ai pas vu. Ah, qui est très bien, qui est un peu plus vieux que Tarantula. Je crois qu'il a un ou deux ans de moins. Tarantula, on sent, on l'a pas évoqué, hein, mais c'est clairement, c'est un film qui a été fait pendant la guerre froide, et ça se sent, parce que c'est quand même la peur des manipulations génétiques et donc, par extension, du nucléaire. Ouais. Mais Came From Outer Space. Lui, c'est vraiment la peur des rouges, quoi. C'est vraiment le communisme. Parce que c'est quand même l'histoire d'une bestiole extraterrestre qui arrive qui essaye de s'infiltrer en se faisant passer pour nous. C'est vraiment comme ça qu'ils vendaient les communistes à l'époque. Ah oui, oui. Ouais, c'était même complètement l'ambiance de la chasse aux communistes. Donc voilà, c'est très ambiance paranoïaque. Mais ouais, It Came From Outer Space, c'est très très bien. Ouais. Et puis on ne peut que conseiller l'homme qui a rétréci, quoi. Oui. C'est incroyable. Ouais. Ceci dit, peut-être que dans l'esprit du scénariste, l'araignée, c'était aussi le communisme. Hein. Rappelons-nous que c'est la plus grande balance d'Hollywood. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, je propose que nous passions au classement, à moins que tu ne vois des choses à rajouter. Non, écoute, on peut passer au classement. Très bien, bon bah le classement encore une fois là pour l'instant ça va aller assez vite puisque nous n'avons fait que deux épisodes pour le moment et en premier c'est Crawl d'Alexandre Aja et en deuxième l'incroyable Alligator de Lévi Stig. Où est-ce que tu verrais Tarantula pour ta part? Alors Tarantula, une chose est sûre, je préfère Tarantula à l'incroyable Alligator. Ouais, ça, clairement. C'est certain, ouais. Et par contre avec Crawl j'ai une réelle hésitation. Parce que Tarantula a quand même un vrai charme et le revoir encore une fois me déplairait pas. Mais pour le coup, c'est exactement pareil pour Crawl, quoi. Je sais pas. Pour le coup, camarade, je ne sais pas. Hein. Si on pouvait dire premier ex aequo, je le dirais. Ouais, mais c'est pas le jeu. Parce que j'ai autant de sympathie pour les deux films. Alors, est-ce que toi, tu as un avis un peu plus concret? Si ce n'est qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est mieux que l'incroyable Alligator. Ouais, non, mais c'est compliqué pour moi aussi, parce que les deux sont attachants, mais dans des genres, enfin, dans des époques assez différentes, ce qui font que le ressenti est très différent dans l'un et dans l'autre. Parce que même en termes de durée, les deux films sont bien rythmés, donc Crawl et Tarantula. Les deux films sont pas si longs que ça non plus, parce que Tarantula, ouais, il dure 1h20, voilà, ça va droit à l'essentiel, et c'est pareil pour Crawl. Crawl, il fait quoi? Il doit pas dépasser 1h30. Hein. Non, je crois pas, effectivement, voilà. Il est dans ces eaux-là. Crawl a le modernisme pour lui, mais du coup, Tarantula a le charme de l'ancien. Ouais. C'est vraiment compliqué. Tarantula est a peut-être un peu plus de charme, justement, un peu plus de légèreté, qui fait que si on me proposait de revoir l'un des deux, je dirais peut-être Tarantula pour la légèreté, quoi. C'est peut-être un peu plus feel-good, oui. Tu vois. Ah oui, clairement. Par contre, c'est... oui, on est d'accord. C'est beaucoup plus feel-good. Ouais, en vrai, Tarantula. Ouais, allez, Tarantula, ouais. La musique est un peu mieux dans Tarantula aussi. Très bien, donc Tarantula prend la première place. Bon, pour l'instant, c'est pas, loin. Encore immensément, c'est pas encore immensément difficile, mais oui, c'est de pas loin avec Crawl. À noter que pour l'instant, on a fait 3 films bien. Or, les films d'attaque animale, il y en a plus, pas mal qui sont moins oui. bien. On va pas se mentir. Effectivement, pour l'instant, on a eu la main plutôt chanceuse. Oui, c'est ça, mais est-ce une bonne chose? Dans la mesure où ça laisse sous-entendre que potentiellement on va faire tous les bons trucs et se retrouver avec une série de catastrophes à la fin. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Moi, que ça soit bon ou mauvais, je m'en fous. Ce que je veux, c'est enfin un film que j'ai pas vu. Parce ah oui, que pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est 3 que j'avais déjà vus. J'aimerais bien découvrir un petit peu. C'est aussi le but des podcasts qu'on fait, quoi, c'est découvrir. Ouais. Donc rappelons que maintenant, on a installé une règle. Hein, si on retombe sur un film d'araignée, on saute. Alors, bah, c'est à toi de tirer un nombre au sort, donc entre 2, bon, la première c'est la ligne de titre, et 96, pour savoir lequel sera le prochain. Bon, je t'en donne un. Ouais. 28. 28, c'est quoi? Ah bah, je pense que tu ne l'as pas vu, c'est Isolation de Billy O'Brien, où l'animal tueur est une vache. Voilà. Oui, je ne l'ai pas vu, effectivement. Alors, attends, je vais aller voir. Il me semble qu'il y en a sur Akuten, il y en a qui sont en vente, en DVD. Des isolations, hein, pas des vaches. Pour ce bon, une vache dans un appart, là, vraiment, je peux pas. Hein. Et paraît-il que c'est un bon film, attention. C'est un film irlandais, on peut signaler aussi, donc ça fait pas mal de trucs qu'on n'aura pas souvent, déjà, parce que les attaques de vaches, c'est pas le plus récurrent. Et les films non-américains, c'est pas non plus des trucs qu'on a énormément. Film irlandais, ça nous changera un peu. On a mis que 3 et 4 épisodes avant de quitter enfin les US. Ça va, je m'attendais à avoir plus, quoi. Ouais, ouais, c'est bien tombé. Et c'est un film de 2006. Ok. Eh ben, écoute, j'ai hâte. Ouais, bah oui, moi aussi, ça me rend curieux. Donc voilà, la fois prochaine, dans un mois, nous parlons d'Isolation, un film d'attaque de vache de Billy O'Brien, qui date de 2006. Entre-temps, vous aurez dans 2 semaines un vidéoclub de Castle Rock consacré à Machine Divine à traitement de texte, une nouvelle de Brume et son adaptation dans la série Histoire de l'au-delà. Tales from the Dark Side en VO. Vous pouvez nous faire des suggestions de films, n'hésitez pas, la liste est disponible dans la description du podcast. On est preneur de titres, notamment non américains, encore une fois. Oui. On espère que ça vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement, @cinémaarchiviste sur Blue Sky pour toi, @chris-6, Oui, si, c'est tiré du 6. Si, tiré du 6, pardon. Chris-Lucis, The Lost Tales, pour moi. Vous pouvez me retrouver sur YouTube où je fais des vidéos sur le cinéma asiatique. Sur Twitch, tous les deux, c'est aussi Archives du Cinéma et The Lost Tales. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira. On n'a toujours pas de phrase de fin, je crois. Non, toujours pas, donc à gros gros. À gros gros, et puis à dans un mois. À dans un mois, salut.